L'actualité à Nancy et ailleurs. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la commune de Dombasle-sur-Meurthe organise une journée de sensibilisation le mardi 8 mars. Olivier Mazure, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la vie associative et sportive. Alors, première question, est-ce que c'est la première fois que la ville de Dombasle organise un tel événement? Et comment, après, vous avez imaginé cette journée? C'est effectivement la première fois pour la ville de Dombasle d'organiser une manifestation le jour du 8 mars. Alors, cette idée, elle est venue de la commission associative et sportive. J'ai une petite équipe qui est très active et qui a vraiment à cœur de proposer des nouvelles choses aux Dombalois et aux gens des environs. Alors du sport, il va y en avoir, on va y revenir avec de la self-défense, mais bien sûr, il y aura pas mal de choses. Donc c'est le 8 mars, c'est à partir de 16h30, et ça se passe tout ça à la salle polyvalente de Dombasle-sur-Meurthe. Avant de parler de la partie un peu sportive, à partir de 19h, qu'est-ce qu'il va y avoir à 16h30? Alors 16h30, il y a la mise en place de stands d'information et de prévention avec différents organismes qui participeront à ces stands-là. Il y a le CI et DFF, c'est le centre d'information sur les droits de la femme et de la famille. Il y a France Victimes 54, une association en aide aux victimes. On aura aussi la présence d'une sophrologue, Élise Al-Raïs, qui viendra un petit peu expliquer et donner des conseils aux gens qui seront intéressés par cette partie-là. On aura aussi en matinée et dans l'après-midi, mais c'est plutôt une présentation qui est spécifique pour les classes de CM2 et de 6e. Donc c'est sur le harcèlement et c'est les colosses au pied d'argile qui feront cette intervention. Voilà, on peut expliquer ce que sont les colosses au pied d'argile? Les colosses au pied d'argile, c'est une association qui est vraiment dédiée au harcèlement. Alors du coup, donc il y aura cette association-là qui va faire plus de la sensibilisation là au sein du monde scolaire. Et à partir de 16h30, là c'est ouvert à tout le monde avec une entrée gratuite. Bien entendu, oui. Avec notamment donc des stands d'information, vous avez dit avec une sophrologue, avec le CDFF notamment également. Et à partir de 19h, donc là, il va y avoir peut-être aussi des initiations à la self-défense, c'est ça? Oui, alors là on a cette chance-là d'avoir des gens très capés dans ce domaine qui se sont proposés pour initier les femmes de 16 à 99 ans sur les gestes de self-défense. Alors, il n'y a pas besoin d'être des grands sportifs. Hein. C'est vraiment des gestes simples à appréhender. Alors, on espère toujours que voilà, on n'aura jamais besoin d'utiliser ces gestes-là. Hein. C'est un petit peu comme les gestes de premier secours. C'est intéressant de les connaître, mais si on n'a pas besoin de les utiliser, c'est encore mieux. C'est plus apprendre à se dégager d'une situation difficile. Oui, c'est ça. Hein? C'est vraiment, vraiment apprendre à se dégager d'une situation difficile. Et la meilleure des défenses, je dirais, c'est l'évitement. Mmh. Donc, on a des professeurs tels que Philippe Pézeril, hein, qui est 7e dame de karaté, qui est vraiment spécialiste dans le domaine des gestes de self-défense. On a Dominique Pierre aussi, de la tradition martiale dombaloise, qui est aussi quelqu'un de très connu dans le domaine des arts martiaux et qui est aussi 7e dame. Et on a le club de judo de Dombasle par l'intermédiaire de Séverine Colson, qui est ceinture noire de judo. Trois disciplines avec des approches différentes pour cette partie self-défense qui est ouverte à partir de 16 ans, vous l'avez dit. Là, sur inscription par contre, il faut envoyer un petit mail. Sur inscription, hein. Oui, effectivement, il faut qu'on puisse maîtriser quand même la jauge. Et ça nécessite quand même un petit peu d'espace. Et afin que les participants ne soient pas les uns sur les autres, on est quand même obligé de maîtriser le nombre d'inscrits. Voilà, donc il y a un mail à envoyer à l'adresse culture@ville-dombasle.fr tout simplement pour s'inscrire. Et pour passer à autre chose que du côté un peu physique de la self-défense, il y a aussi après un peu d'animation danse hein, avec Vitali Danse. Voilà, il y a Vitali Danse qui apportera sa petite pointe de douceur au cours de la pause. Les professeurs vont enchaîner, mais il y aura forcément une petite pause entre chaque enchaînement. Et il y aura donc Émilie Lefebvre, professeure de danse à Vitali Danse, qui nous fera quelques chorégraphies. Voilà, donc un programme bien chargé hein, pour cette journée du 8 mars à Dombasle-sur-Meurthe. Donc à partir de 16h30 jusqu'à 22h pour la partie ouverte au plus grand nombre, au public, et puis à la partie scolaire lors de la journée. Autre chose à ajouter sur cette journée, Olivier Mazure? L'objectif, hein, c'est vraiment de passer un moment qui est agréable tout en traitant un sujet sérieux et important. Merci beaucoup, Olivier Mazure. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.